Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un invité qui m'a beaucoup fait rire avec son livre, Luc-Michel Foissier. Bonjour Luc-Michel. Bonjour Sarah. Je suis très contente de vous entendre hein, parce que vous habitez la région parisienne, je crois, c'est ça ? Oui, en Seine-et-Marne, voilà. Pas très très loin de Paris. Donc on échange par téléphone. Je voulais qu'on parle aujourd'hui alors de vous bien sûr, mais aussi de votre dernier roman qui s'appelle Les Pantoufles, édité aux éditions Folio. Et pour ce faire, donc, je vais vous poser une série de 5 questions, hein, il n'y en a pas trop non plus, pour qu'on parle un petit peu de vos écrits, pour qu'on parle de vous et évidemment de ce roman. Alors première question, donc Les Pantoufles est sorti en 2020 aux éditions de L'Arbre Vengeur, après quelques autres écrits que vous avez faits mais voilà, que moi j'avais pas forcément connus, et je trouve que ce livre est très original et voire même caustique quelquefois dans l'humour employé. Pourquoi avoir choisi ce thème en fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman? Alors, c'est vrai que c'est le premier roman publié en France. J'ai publié quelques ouvrages avant en Belgique, qui n'ont malheureusement pas été diffusés en France. Et c'est vrai que son sujet est un peu particulier. J'avais mon ambition, c'est un terme un peu fort, mais disons que mon envie était de parler de la société et de la critiquer un peu, de l'égratigner un petit peu, mais avec humour. Oui. Et d'avoir un personnage un peu en décalage, parce qu'on nous demande sans arrêt, dans bien des situations, d'être concentré, d'être efficace. Exact. Et moi, je voulais un personnage qui ne le soit pas du tout, et puis qui soit un petit peu en marge. L'autre chose qui m'avait beaucoup motivé, c'est dans l'écriture, et qui était un peu comme une figure tutélaire, oui. C'est le roman d'Herman Melville, oui. Bartleby. Oui. C'est un roman où le personnage, lui aussi, s'oppose à la société, mais s'oppose de façon très simple, simplement en disant « je préférerais ne pas »,« I would prefer not to », oui. Aux travaux d'écriture qu'on lui demande de faire. C'est un scribe à New York, employé de bureau. Et donc, je voulais pareil, un personnage qui s'oppose de façon moelleuse. Oui, de manière presque passive. Voilà, exactement. Hein, c'est ça. Et donc, alors, l'idée des pantoufles, c'est vrai que cet objet-là... moi, j'ai acheté le livre pour le titre. Hein. Je n'ai même pas regardé le quatrième de couverture. J'ai vu le titre, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Il faut que je l'achète, voilà, il faut que je le lise. C'est un objet qui est à la fois désuet, qu'on n'a pas... Voilà, qui aurait un petit côté un petit peu même... manque de dynamisme. Ouais. Et à une époque où à la télé, partout, on nous vante le dynamisme, même dans la moindre pub, il faut être performant, etc. On est obligé de se sentir bien, on est obligé d'être bien, en forme, d'être sportif, et voilà. Je trouvais que les pantoufles étaient un beau pied de nez. C'est chouette. Alors, la société actuelle. Du coup, et ce sera l'objet de ma deuxième question, comment expliquez-vous cet engouement pour ce roman? Parce que, alors moi, vous voyez, c'est ce que je disais précédemment, moi je l'ai acheté pour son titre, parce qu'en plus, pantoufles, on rentre aussi un petit peu dans l'intimité des gens. On rentre chez eux, on est chez soi, oui, en pantoufles. Alors lui, votre personnage, il me fait trop rire parce qu'il assume, mais alors à 600%, effectivement, c'est une espèce d'opposition très passive, mais qui fonctionne plutôt très bien. Je crois que vous avez été dans des salons ou dans des rencontres littéraires. Quels sont un petit peu les retours des lecteurs qui l'ont lu, justement ? Finalement, cet objet est quand même un objet qui rentre un peu dans l'intimité des gens. Qui n'a pas eu des pantoufles, un autre, des chaussons, des charentaises, des chaussons, enfin bref, des mules, mais en tout cas des chaussures, à son pied, enfin des choses qui nous vont bien et qui nous apportent un certain réconfort par rapport au monde dans lequel on vit. On sort. Et donc, et en même temps, le livre est sorti en plein Covid, période de Covid, et je crois que ça a permis aux gens de s'évader, de sortir, oui, en même temps, de rester chez eux. Il y avait à la fois dans le livre cette histoire de ce personnage qui sort de chez lui avec ses pantoufles, qui se retrouve coincé à l'extérieur finalement avec ses pantoufles. Et qui ne panique pas en plus, il panique pas. Et les lecteurs qui, eux, ont été contraints de rester chez eux. Et donc, je pense que il y a dû y avoir des répercussions. Après, c'est vrai que c'est un roman résolument drôle. Et donc, je crois que les gens ont envie de sourire. On a quand même des périodes là pas faciles. Pas très drôle, exact. Pas très drôle. Et donc, je crois qu'il y avait une aspiration à rire et à rire de façon, avec un peu de tendresse, avec aussi un peu de... C'est pas du rire forcé, c'est du rire. J'essaie de faire en sorte que ce soit. C'est quelque chose. C'est pas de la moquerie. C'est vraiment. Non, voilà, c'est, moquerie. C'est du rire détente, quoi. Voilà. Voilà. C'est un rire bienveillant pas, malgré tout. C'est pas. C'est pas au dépend de quelqu'un. Pas du tout. Voilà. C'est vraiment. Ces pantoufles-là prennent la défense de l'humain, mais dans sa singularité. Par rapport à ce qui nous écrase, à ce qui est plus fort que nous. Ouais. Y a deux façons de lutter. Hein. On peut lutter et être en rébellion et aller à la castagne, si je veux dire. Oui. Et puis et aller dans l'affrontement. Et puis il y a des façons détournées. Et je pense que c'est ce que je voulais montrer, qu'on peut résister, qu'on peut s'opposer, qu'on peut se défendre. Sans être ni dans la colère ni dans la violence. En fait, moi c'est ça que j'ai retenu. Non, dans l'évitement, mais en même temps, voilà, est assez efficace, je pense. C'est le cas de mon personnage qui finalement se sort de bien de situation grâce à ses pantoufles et grâce à ce pas de côté qu'il fait. Oui. Alors, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Passons son des îles faits pour deux. Des châteaux au pont levé, toujours levé. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Personne n'est invité. À la folie, passionnée. Prise de lecture sur Fadjet. Moi, il y a un petit truc quand même qui me titillait. Je voulais savoir s'il y avait un peu une part de vous chez notre héros porteur de pantoufles. Parce que voilà, à chaque fois on se pose la question quand même quand on découvre un roman et qu'on regarde un petit peu la biographie de l'auteur ou ce qu'il a pu faire avant, hein, sa bibliographie, etc. Et à chaque fois, moi, je me pose la question et je la pose souvent aux auteurs. Je dis, mais est-ce qu'il y a une part de vous dans votre héros ? Donc voilà, je vous la pose aussi, Luc Michel, cette question. J'aurais plutôt envie de retourner la question, c'est est-ce qu'il y a une part de mon héros qui ne serait pas moi ? Oui, excellente question. Voilà, donc oui, mais de toute façon, quand j'écris mes bouquins, je me nourris beaucoup de ce que je pense, de ce que je vis. Ouais. Et finalement, je ne suis pas tellement attaché à des histoires avec beaucoup de rebondissements, des choses que j'imagine totalement. Ça reste quand même assez ancré à ce que j'ai pu vivre, à ce que j'ai pu ressentir. Oui. Et donc, et c'est aussi valable pour les lieux. Moi, je suis très attaché à l'endroit où se passe l'action du livre, et ça m'inspire beaucoup. Okay. Je pense que pour les lecteurs, il faut leur donner aussi à voir. Et donc, on donne d'autant mieux à voir qu'on connaît. Qu'on maîtrise bien l'endroit où on place son. Exactement. Ok. Mais le personnage, oui, me ressemble. Beaucoup, à beaucoup de points. Voilà, j'étais en plein suspense et j'ai la réponse à ma question. Alors, la critique quand même, quand on regarde les critiques de ce roman, est unanime pour dire que dans le roman, donc, il y a une sorte de satire sociale, une rébellion des codes sociétaux, donc c'est ce qu'on a dit un petit peu précédemment. Est-ce que c'était l'idée première du roman quand vous l'avez écrit, ou est-ce que c'est devenu peut-être un petit peu le fer de lance de prendre le contre-pied de plein de choses? Donc vous parliez du contexte Covid, mais est-ce qu'en même temps, vous aviez imaginé cet engouement de la critique, quelle qu'elle soit, pour dire, mais en fait, ouais, c'est super, voilà comment il faut faire, voilà. Est-ce que vous doutiez un peu que ça se passerait comme ça ? C'est un roman qui essaye de montrer comme un point de vue sur la société. Donc, c'est sûr qu'on espère toujours avoir des répercussions et que ça parle au plus grand nombre. Donc, je suis à la fois surpris et heureux de ce qui arrive autour du livre et de l'engouement qu'il a pu susciter. Mais en même temps, c'était un petit peu ce qui était recherché, parce que si je m'étais aperçu que j'étais tout seul à penser ça et à me dire... j'aurais continué à être pareil, mais en même temps, j'aurais été déçu. Donc, non, le livre a été écrit aussi pour ça, pour dénoncer des choses, mais de façon légère. Donc, je pense qu'y être parvenu pas trop mal. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de très beaux retours. Il a été très bien soutenu par les libraires, ça, faut vraiment le signaler. C'est que c'est vraiment le succès a commencé à démarrer avec des libraires qui l'ont mis en coup de cœur. Ouais. Et puis, comme ça, de bouche en oreille. À oreille. Ça marche très bien. Alors, chez L'Arbre Vengeur, déjà, très bien. Ouais. J'étais vraiment ravi. Ils ont fait un très, très beau travail. Et ensuite, repris par Folio, qui là a donné encore une dimension encore plus importante. Mais je vous dis, moi, j'ai été chez mon libraire habituel, donc à Nancy, et je l'ai vu en tête, pas de gondole, mais vous voyez, sur les étagères, comme ça. Mm-hmm. Et je n'ai pas réfléchi 10 secondes, j'étais avec une amie, je l'ai vu, j'ai vu les pantoufles, et il y a un petit macaron dessus, vous savez, Folio, prix des libraires, etc., sélection. Et en fait, je ne l'ai même pas regardé, parce que j'ai tendance à ne pas lire justement ce genre de livres. Alors, écoutez, le hasard fait bien les choses. Moi, c'est le titre. J'ai même pas lu votre nom dessus. J'ai lu Les Pantoufles et j'ai dit ça. Je peux pas passer à côté. J'ai eu raison. Donc voilà. J'espère qu'il y aura encore de plus en plus de gens qui se diront qu'ils ont bien eu raison de ne pas passer à côté. Beaucoup feront comme vous, j'espère, mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt aussi de passer aussi en poche et en folio, en l'occurrence, parce qu'il y a une visibilité qui est encore plus grande et donc arrive à trouver d'autres lecteurs et ça, c'est merveilleux. Quoi. Alors, on va faire une autre pause musicale et je vais vous poser la dernière question. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of Every pure intention ends when the good times start. De lecture sur Fadjet. Alors la dernière question, Luc Michel, c'est avez-vous un autre roman en cours ? Alors avant qu'on commence l'entretien, j'ai cru comprendre que c'était oui, mais je sais pas. oui. Voilà. Est-ce que vous avez quelques qui seraient un petit peu dans le même ton ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors j'ai plusieurs romans. Hein. De toute façon, moi j'écris. J'ai du mal à rester sans écrire. Ok. Il faut toujours qu'un travail soit en cours. Mais que j'avance pas forcément de façon très régulière. Parce D'accord. que je baigne dans mon roman. Ouais. Et d'ailleurs, j'écris mes romans de façon, j'aime bien passer à peu près une année sur un livre. Mais j'écris tout le temps. Donc, en fait, des manuscrits, j'en ai plusieurs. Ouais. Et j'en ai, un petit peu aussi grinçant et sur le ton humoristique, comme les pantoufles. Ah, super. Voilà. Et il y en a un sur lequel je travaille actuellement. Voilà, pour le, hein, il n'est pas vraiment pas fini, j'en ai écrit à peine un tiers. Okay. Mais tu as une petite petit Roland de Il y aurait de des échos des pantoufles ou pas ? Ça serait assez drôle comme ça et avec un voilà. quelque chose d'un peu qui est d'un peu original, qui provient de façon un petit peu par le hasard, comme les pantoufles finalement par rapport au personnage. Là. Ok. Mais je veux pas trop en dire, en dévoiler. D'accord. Après, quand un livre n'est pas terminé. On sait juste qu'il y aura, une belle surprise peut-être bientôt. Mais oui, voilà. Okay. Il y aura d'autres choses qui vont finir. D'accord. Oui. Votre caprice de la semaine, Luc Michel, ce serait quoi ? Est-ce que vous auriez quelque chose à nous conseiller ? En lecture, eh bien oui. écoutez, c'est un caprice de la semaine et des semaines aussi précédentes, parce okay. que c'est un livre qui n'est pas tout récent. D'accord. C'est le livre, le roman Monsieur de Jean-Philippe Toussaint. Ok. Mais j'aurais pu en prendre d'autres de Jean-Philippe Toussaint, aussi bien à la télévision que même c'est plus récent. Mais Monsieur, pour moi, a quand même une valeur très très importante parce que c'est en lisant Monsieur que je me suis aperçu que je pouvais peut-être écrire un roman. Alors D'accord. pas parce que le roman n'était pas d'une grande qualité, bien au contraire. Mm-hmm. C'est ce roman-là qui m'a motivé parce qu'il est excellent, magnifique. D'accord. Et il tient sur très peu de pages. C'est un roman qui doit faire 110 pages. Oui, donc, à peu près. Okay. Et là, je me suis dit, on peut faire quelque chose d'extraordinaire oui. en littérature avec très peu de pages. Ça dépend quelle intensité on veut lui donner, voilà. etc., le message exactement. Qu'on veut faire passer. Ouais. Et alors, je ne vais pas résumer l'histoire de Monsieur, tout ça, mais juste une phrase. Dans Monsieur, il y a... une phrase que je trouve magnifique, mm-hmm. qui résume bien le livre et qui résume bien aussi ma pensée sur la société et puis sur le monde qui nous entoure et qui a influencé mes écrits. Monsieur, oui, en toute chose, son molle acharnement. Et cette phrase, je la trouve magnifique. Moi, l'acharnement, c'est splendide. Voilà, oui. Voilà, je conseille donc Monsieur de Jean-Philippe Toussaint. D'accord. Et plus généralement, lire Jean-Philippe Toussaint, qui est un auteur extraordinaire pour moi. Voilà, il y en aurait plein d'autres, hein, j'aurais pu citer, mais bon, c'est le choix. J'en vais en citer comme un deuxième, rapidement, mais là, c'est un petit coup de pub, c'est pour mon frère. Ok. Voici le Bureau des Affaires Occultes qui sort son deuxième tome, c'est une suite et voilà. Alors mon frère qui n'écrit pas du tout de la même façon que moi, c'est des romans policiers historiques, mais qui sont aussi c'est très la nouvelle vague des polars historiques en fait. Hein. Voilà, et ça marche très bien et c'est de grande qualité. On apprend plein de trucs en prenant du plaisir sur l'histoire. Donc, eh bien écoutez, c'est noté et puis les auditeurs auront l'occasion de pouvoir découvrir ça. Merci beaucoup Luc Michel d'avoir bien voulu nous donner du temps pour nous accorder cette interview. Je suis ravie. Vraiment merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En plus, c'était tout confort. J'ai gardé mes charentaises au pied pendant l'interview. Voilà, donc je rappelle le titre de votre livre, donc Les Pantoufles de Luc-Michel Foissier. Alors je parle des éditions Folio parce que moi je l'avais acheté aux éditions Folio, sinon on peut le trouver aux éditions de l'Arbre Vengeur. Voilà. Hein? Et vous retrouverez la chronique de ce livre sur le site internet www.capricedelecture.fr. Merci beaucoup Luc, c'était génial. Merci. Je ne manque pas que vous envoyiez le lien dès que c'est construit et la date de diffusion. D'accord, c'est parfait. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. C'était super, c'était vraiment bien. Et c'était... Merci encore, c'était un très beau moment de lecture, j'ai adoré. Voilà. Bah écoutez, merci à vous aussi pour cet intérêt et puis pour en faire encore l'écho. Et grâce à vous, ça va toucher d'autres lecteurs. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Que du bonheur. À bientôt, Luc. Merci à vous aussi, Sarah. Merci, au revoir.